passer tous mes dix que tu m'aimes. Toutes les merveilles de tous les jours, je veux regarder. Et je veux voir toutes les merveilles de tout le monde. Ma vie avec toi, encore un simple. Encore un simple, c'est une histoire très difficile. Au ciel, dis-moi, est-ce que je peux chanter pour toi? Baby.